c'est Rambe, Rambe, Rambe, Rambobine. Bonjour tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de Rambobine pour sa 7e émission. Et pour celle-ci, je vais pas trop blablater, pas comme la dernière fois sur l'histoire des podcasts, parce que ce soir on va écouter un documentaire sonore de 45 minutes, donc sur une émission d'une heure, avec les pauses musicales, les jingles et les couacs techniques, eh bien il reste plus grand-chose. Et là, par exemple, je viens encore de gagner ou perdre du temps en disant tous ces trucs inutiles. Merci Béné pour être à la technique. On a commencé sur les chapeaux de roue. Alors, ce soir, on va écouter mon coup de cœur du printemps. Pour donner un peu de solidité au fil du mois dernier sur les podcasts, je vais vous donner deux définitions que j'ai trouvées sur le site Saint-Aune. Le fameux, celui dont je me sers pas mal pour mes émissions et pour mes inspirations. Alors, c'est deux définitions. La première, c'est celle d'un podcast. Alors, selon ce site, un podcast, c'est un son à emporter, sous-produit numérique de l'ancien monde hertzien ou premier mode de diffusion d'un programme dans le nouveau monde du web. Le podcast se veut moderne et conquérant. Ne connaissant pas le direct, il transforme le flux radiophonique en fichier individuel et le public en abonné. Synonyme balado-diffusion, ça c'est pour les Canadiens et Canadiennes, et l'antonyme, ça serait le direct. Voilà, moi je l'aime bien cette définition. Et elle résume pas mal en tous les cas. Et la deuxième, celle d'un documentaire sonore. Alors, un documentaire sonore selon le site de Saint-Aune, mais c'est pas vraiment selon le site de Saint-Aune, hein, mais je suis pas très exacte. J'ai plus l'adresse exacte, je vais essayer de la rechercher, de vous la filer en fin d'émission. Bon voilà, on va voir ça en fin d'émission, parce que là je suis vraiment en train de perdre le fil. Ah oui, alors la définition du documentaire sonore, ça serait... Chaos dirigé, construit en trois temps. 1. Observation. 2. Captation. 3. Recomposition. Le documentaire démarre dans la vie et finit dans l'espace artificiel d'une cellule de montage. Le synonyme serait peut-être le reportage et l'antonyme serait peut-être la fiction. Ça, c'est comme bien on a envie de mettre les mots là où ils sont et où ils sont pas, quoi. Bon, alors, le fil d'aujourd'hui, je vais essayer de le reprendre, ça va être un beau chaos dirigé, puisqu'on va partir en voyage. Pas besoin de vos valises ou de vos sacs à dos, parce que c'est pas ce genre de voyage dont il s'agit. On va aller chez les voyageurs, ou aussi appeler la communauté des gens du voyage, les manouches, les tziganes. Bref, on n'est pas ici pour faire une leçon de vocabulaire, même si, bien sûr, c'est important de bien définir. Comme ça l'est, de demander aux gens comment ils se définissent. Dans ma famille, à moi, c'était les voyageurs, pour dire les voyageurs, alors je vais garder cette dénomination. Le documentaire qu'on va écouter s'appelle « Les mangeurs de hérissons ». On qualifie, qualifiait, eut qualifié les voyageurs de « mangeurs de hérissons ». De tueurs de hérissons aussi. Mais avant d'écouter ce documentaire, ce chaos dirigé, j'ai trouvé une vieille cassette. Et oui, je reviens à mes Madeleines de Proust. Alors cette cassette, c'est un souvenir d'un temps où mon pépé avait une tonne de cassettes dans sa fourgonnette de voyageur. Et c'est Dalida. Et là, on va écouter un truc qui me donne envie de « Move my body on the dance floor », c'est Bambino. À toi, Béné. La mine triste, les joues blêmes,

Les mangeurs de hérissons. Un documentaire de Kabiria Chomel. Moi, je suis une baraquée. Je suis désolée, je ne serai pas. Ils se disputent toujours avec moi. Moi, je suis une baraquée. Et depuis que j'étais à l'école, j'ai toujours dit que j'étais baraquée. Toujours. Et je me rappelle, on l'avait mis à l'école. Dans l'école. Et là qu'on arrive, on l'a écrit à Rochu. Bon, je vais avec. Quel est le métier du papa ? Marchand de fer, je dis, messieurs. Ben écoutez, qui dit, on va marquer pour que les élèves ne la maltraitent pas, on va marquer... Marchand. Marchand. Elle. Marquer bien dessus. Ferrailleur. Ferrailleur, je dis, je suis une baraquille. Une baraquille. Je suis une baraquille. On était des puants, voilà. Non. Non, mais voilà. Le nom baraquille vient, pourquoi ? Parce qu'il restait dans les roulottes. Voilà. Et les gens disaient pas roulottes, ils disaient des baraques. Ça fait que c'était des baraquis. Ben oui, mais voilà, mais moi, c'est voilà. Comme ça. Ça ne veut pas dire que c'était des puants. Mes enfants parlent comme ça, et ça m'intéresse. Non, on n'est pas des baraquis. Tu as l'adresse, toi, pour Marie Tu as l'adresse de... Oui, j'ai l'adresse. Ah, parce qu'il a dit, il est bien mis, ça allait le prendre, même s'il n'est pas là. Ah ben, il va essayer d'aller ici après-midi. Oh, wenn sie nicht da sind, dann kann man... Das Problem ist, wenn ich weiß, dass sie den morgen holen kommen. Morgen oder am Freitag. Il voudrait savoir... Nous, c'est comme si on était le boulanger. Non. Si. Non. Si. C'est comme chez ça toi. Va, c'est comme tu... le parc à conteneurs, sauf que voilà. Tu sais payer. Voilà, c'est comme le parc à conteneurs ici, sauf que t'es... on n'achète pas les crasses, mais on achète les fers. C'est... Mm-hmm. C'est ça chez nous. Alors, ils montent sur la bascule, là. Ils pèsent, on regarde ce qu'il y a, ils rentrent ici, c'est là-bas les hommes qui les pèsent, ils rentrent ici, moi je fais le calcul, je les paye. C'est comme ça que ça va ici, tu vois. Comme le monsieur qui était là. Ben, y a, comme ce garçon-là, tu vois, voilà, il vient là, il a un petit peu du bazar chez lui, là, il va venir me donner son ticket, regarde, voilà, tu vois, voilà. Là, merci, moi je calcule ce qu'il a et je le paye. Moi je m'appelle Marie Wibel, je suis la femme de... Oui, dire Jean-Marie Bicanard. Puis moi, je suis la comptable ici. Je dois m'occuper des papiers, payer les clients, m'occuper de la caisse, ça c'est moi qui gère l'argent. Là, il a 31 kilos de fer, il a 1 kilo de cuivre rouge, 1 kilo d'aluminium, 2 kilos de zinc, 2 kilos de jaune et 2 kilos de cap. Attends, je vais te faire ça au total. Il a pour 3,50 € de cuivre. L'aluminium, c'est 25 francs. Avant qu'il y ait des ferrailles, il faisait la vannerie. Il faisait des mannes. Ils ont un euro, là. Et des petits fauteuils. Non, on va faire... Attends. Centimes. Des cache-pots pour mettre dans les fleurs. Là, du zèque, de 30, 60. Il y avait des rétamures. Avant, il y avait beaucoup de casseroles dans les maisons au cuivre. Et ils réparaient ça, et on appelle ça des rétameurs. Plus. Merde, je me suis trop vide. Des marchands de peau de la paix. Puis des marchands de loc, on disait. Des forêts. Mais maintenant, les forêts, je veux dire, les forêts de maintenant, ce n'est plus les mêmes que nous. Ça, c'est les métiers qu'on a tous fait, tu vois. Voilà, il est venu livrer, je peux dire, pour 17 euros. Un pain et deux côtelettes. 2, 4, 6, 7, attends, je vais te donner 10. Les kermesses, c'était là que... C'était ça que j'aimais mieux, moi. Je tenais le tir la journée, et le soir, vers 8 heures, quand ils étaient au lit... Je tenais la friture, je tenais une friture. Et la journée, mon mari tenait un carrousel. Eux, elles tenaient une baraque à jouer. Non, une pêche à jouer, je vais dire. Ça, c'était le métier que je préférais, ça, que mon mari faisait. Parce que moi, j'ai toujours suivi ce qu'il a fait. Hein. Si aujourd'hui, il dit demain, on il fait autre chose. Il a fait le cornet chez mon père. Il a fait les façades. Il a fait Ramoneux. Ouais. Mais il est toujours revenu. Au fer. Je m'appelle Lolita Wiggers, j'ai 42 ans. Je suis la fille de Canard et de Marie. Je suis dans la génération plus sédentaire que du voyage. dans ma génération, ben, au début, tout au début, quand je suis née, ben, on voyageait, tout ça. Et puis, on a commencé à être sédentaire par convenance, quoi. Je me lève le matin, je mets la petite à l'école. Je prends la camionnette, je continue, je la dépose, j'arrive assez vite. On ramasse, on nettoie un petit coup. Puis je retourne, si c'est la fin de journée, je retourne souvent vers 2 h chez moi. Je rentre, je fais tourner mon machin qui sort beau dans la maison. Je vais rechercher la petite à l'école. Je vais au magasin faire mes courses, je fais à souper. Puis au soupe le soir, mon homme regarde la TV. Quand je ne viens pas ici, ben souvent, si disons le mardi, je ne vais pas venir ici, je rentre chez moi, je fais mon ménage. Mais je suis une vadrouilleuse. Je pars souvent à gauche. Mais je ne travaille pas, je ne fais rien du tout. Même plus au linge, tu disais que tu as... Non. Je vendais au linge, je vendais de la poudre lessivée. Mais personnellement, ce n'était pas pour vivre que j'ai fait ça. Tu vois, j'ai fait ça pour moi, parce que je m'emmerdais. Et j'avais pris ça, et puis... Parce que je n'ai jamais dû travailler pour vivre. Je m'appelle Titi, moi. Tout le monde me connaît sous ce nom-là. Si vous dites que j'étais chez Titi à Hawaï, alors là, il n'y a pas de problème, hein, on sait bien qui c'est. Mais si vous dites que j'étais chez Wilfried, je ne connais pas. Hein. Oui, ben, c'est tous les voyageurs, c'est comme ça, tout le monde avait un surnom. Autrement, j'ai 74 ans, je suis né en 39. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé jusqu'à l'âge de pratiquement 9 ans chez ma grand-mère. Qui, elle, était une sédentaire, évidemment, hein, parce que mon père, c'était un voyageur, mais ma mère, c'était pas une voyageuse. J'ai fait 3 années primaires, encore, je ne les ai pas toutes faites. C'est tout ce que j'ai fait comme études. Et puis voilà, ils sont venus me chercher. Et à partir de là, j'ai habité dans une roulotte avec eux. Parce que nous, on vivait toujours comme dans l'ancien temps, pratiquement. Et on vivait dans 5-6 mètres sur 2,50 mètres de large. On vivait à 6-7. Moi, je dormais dans la voiture ou dans le coffre de la roulotte avec mon chien. Il y avait 2 lits dans ça. 2 lits au-dessus de l'autre. Donc les enfants dormaient en dessous et les parents dormaient au-dessus. Ils dormaient à 3-4 dans le 5 dans le même lit. Le plus petit, en général, il dormait avec les parents en haut. Parce que le plus petit, c'est toujours le bon Dieu. Hein. Puis alors, enfin, à nouveau, et puis il revient à nouveau en haut. Oui, parce qu'à cette époque-là, ils avaient tous beaucoup d'enfants. Hein. Quand on était au bord de la rivière, on allait se laver au bord de la rivière. Autrement, quand il n'y avait pas de rivière, on se lavait dans les bassins. On faisait un bassin d'eau et on lavait tout le monde là-dedans. Dans la même eau, hein. Ouais. Oui. Si quand on voit, c'est terrible. Mais on n'en est pas mort. Hein. On vivait. J'y vais, hein. Hasta la vista. Hasta la vista, hein. Je voudrais y retourner encore, moi, ce temps-là. Je m'appelle Christophe Wigger, j'ai 41 ans. Je suis fils de canard, des canards et Marie. Je travaille avec mon père, je fais les ferrailles, on va chiner, tout ça, quoi. Je travaille avec mon père. Je pars le matin au camion, et puis les gens ils ont téléphoné, je dois aller chercher à gauche, à droite, tout ce que mon père me dit d'aller chercher. Et quand les gens n'ont pas téléphoné, ben, je vais toquer au méso, demander s'ils n'ont pas des ferrailles. Quoi. Le voyageur pour moi c'est très familial. Celui qui n'est pas familial, c'est pas un vrai voyageur pour moi, puisque c'est C'est le noyau, je veux dire, c'est comme ça une famille. Un paysan, je veux dire, il va voler son père et sa mère 5, 10, enfin, peut-être de l'argent, 10, 5 ou 10 euros. Qu'un voyageur, ça n'existe pas, ça c'est... La famille, c'est le plus important. Et ça, c'est les vrais voyageurs, je veux dire. On a été élevés comme ça, éduqués, et c'est comme ça que ça doit rester, quoi. Mais ça a droit de se perdre aussi. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est la famille. Je ne dis pas paysan parce que c'est un fermier, parce que je veux dire, ouais, c'est paysan où les mecs, c'était... Ben, ah, je... mais c'est les sédentaires, les paysans. Oui, ceux dans les maisons, c'est ça, dans les maisons et tout ça, oui, c'est pas parce que c'est un fermier, c'est parce que, voilà, nous, c'est voyageurs qu'on vit en caravane, parce que maintenant, on vit comme tout le monde, mais on vit en caravane, ça, c'est les voyageurs. Et les autres, c'est... On a toujours dit les paysans et les mecs. Nous, on dit un mec. Mais c'est pas effronté. Tout le monde dit oui, on dit ça, mais on ne maltraite pas les gens, tu vois. Et quand nous, on dit un paysan, c'est pas pour le maltraiter non plus. On ne maltraite pas les gens, mais c'est les gens qui disent. Mais tu vois, c'est notre parler. C'est... Moi, j'ai 60 ans, même que j'ai quelques copains ici aux alentours qui sont des sédentaires, je n'irai jamais chez eux. Si je vais aller quelque part le dimanche, ce n'est que chez les voyageurs. Je ne vais pas chez les mecs, que je vais dire, tu vois, c'est rare. C'est parce qu'on n'est pas habitué. Mais c'est pas que je ne les aime pas, mais c'est pas la même chose que chez nous. Tu vois, moi, je m'en fous. Moi, ils rentrent n'importe qui, moi, je m'en fous. Chez moi, ils rentrent n'importe qui. Je n'ai jamais laissé personne devant la porte. Mais maintenant, chez certains voyageurs, tu ne rentres pas. Mon père, moi, c'est à se dire que lui, il chinait aussi. Ben, il avait une mallette, lui, et il vendait des pochettes de papier à écrire. Il allait de maison en maison, et quand tous les villages d'aux alentours étaient faits, qu'on avait été chinés dedans, ben, on changeait de coin. Bon, les gens qu'on avait été chinés, ils avaient été tranquilles pendant 2-3 mois, on y retournait, et ça recommençait. On faisait beaucoup de chemin aussi, hein. On allait beaucoup dans les Rédimés, on allait à Namur, on allait partout. Moi, j'étais l'aîné, évidemment, hein, de toute cette bande-là. Ben alors, c'est moi qui sciais au bois tous les jours, qui me levait le matin, qui allumait le feu, qui donnait du café à mes parents dans le lit. Et moi, toute la journée, ben, j'allais chercher du bois, je coupais au bois, puis j'allais chiner un petit peu. J'allais, par exemple, le soir, dans les prés, où il y avait des gens qui trayaient à la main, parce qu'on trayait à la main à cette époque-là, et j'allais, avec une cruche, j'allais leur demander un petit peu du lait. J'allais demander si je ne sais pas, s'il n'y avait pas un peu de pommes de thé, ou bien s'il n'y avait pas un peu de beurre, ou un morceau de lard, ou... C'était ça, la Chine. Mendier, au sommet, le mot c'est ça, mais bon, nous on appelait ça Chine, quoi, hein. Voilà, c'est pas sorcier. Et on vivait comme ça, on n'achetait pas grand-chose, réellement. Comme il n'y a pas beaucoup de sous, la viande, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, mais les hérissons, ça en court partout. Ça fait que c'était leur viande. Je vais dire, on mangeait ça 2 à 3 fois sur la semaine. Comme vous mangez des côtelettes, du beefsteak, eh bien nous, c'était... Et les sédentaires, leur chien n'allait pas à ça. Non, hein, mais vous ne savez pas comment on le fait. Voilà. Tu vas chercher un hérisson, tu le tues. Et alors, les picots qu'il y a sur le dos, là, tu vois, on doit prendre une pompe. À ce temps-là, c'était des pompes qu'on gonflait les roues des voitures. Tu vois? Tu leur mets dans leur gueule. Quand ils sont morts, hein, bien entendu, parce qu'il ne faut pas faire souffrir la bête. Il faut la tuer, comme tout animal. On lui met dans la gueule, on lui tient la gueule et on pompe. On le fait grossir comme ça, il gonfle. Il est rond comme un ballon. Alors, tous les voyageurs ont des couteaux. Ils prennent l'hérisson et ils le grattent. La peau devient toute lisse comme un autre viande. Le dessous, ici, c'est des poils. Tu fais un feu de bois, tu le brûles au-dessus. Tu le rases, tu l'ouvres en deux, tu le vides comme une poule, comme un lapin, tout ce qu'il y a dedans. Tu vides, puis tu le coupes en morceaux. Et ça? Mais tu ne goûtes rien, c'est comme une autre viande. Tu ne sens pas où les picots étaient, tu vois? Et ils faisaient ça à la tomate, ils faisaient ça aux champignons. Comme si tu ferais un rôti. Ce que tu fais avec un rôti, tu fais avec un hérisson. Ils faisaient ça au barbecue. Nous, les enfants, ce qu'on adorait des hérissons, c'était les pâtes. Ah, c'est extra, hein. C'est extra, hein. Ouais, il n'y a pas de viande qui a ce goût-là. Il n'y a pas d'autre viande qui a ce goût-là. Mais encore et toujours, maintenant, c'est défendu. Maintenant, vous n'osez plus toucher un hérisson, ils sont protégés. Si on vous attrape avec un hérisson, maintenant, vous êtes emmerdé. Quoi? Tout et tout, c'est ça, tout part, tout. C'est les lois qui nous ont... Le modernisme. Beaucoup des jeunes maintenant, ils disent « Oh, moi, je vivrai vivre en caravane. » Mais c'était dur de vivre en caravane. Je vous dis, on est resté à l'hiernue. Il gelait à moins 30. J'avais du feu comme ça pour chauffer mes enfants. Ils avaient des lits. Les draps de lit, les couvertes étaient collées au mur. Et alors je mettais par terre les paillasses là, devant le feu pour que les enfants avaient... C'était pas des vies, ça. Mais c'était normal, il n'y avait rien d'autre. On n'était pas capable de se louer une maison parce qu'on n'avait pas des sous. J'étais eu toi, j'avais des paquets de loges comme ça qu'il fallait laver à la main, là, hein, que sur un feu à la porte dans une bassine hiver comme été, qu'il fallait. J'avais des mâles comme ça sur les doigts pour avoir les choses. Qui est-ce qui voudrait encore le faire maintenant? Il n'y avait pas que moi, c'était tout le monde qui faisait comme ça. C'était normal la vie comme ça. Mais qui est-ce qui maintenant il voudrait? Tu voudrais encore les cider à la main, là, c'est sur une planche, là, hein. C'était comme ça. Mais il n'y avait pas que moi, c'était la vie comme ça. Tu dis que c'est beaucoup plus dur, d'accord? Quoi? C'est peu... Avant. Ben oui. Mais t'as jamais crevé de faim? Non, il t'a jamais crevé de faim, mais... Non, mais... Oui, non, on n'a jamais crevé de faim. T'as même pas de soupe de mettre de l'essence. Ouais, et qu'est-ce que t'as mis de plus? On n'avait rien. Non, ce que je veux dire... C'est vrai que c'était peut-être plus dur. Là. Bon, maintenant, je peux aller au magasin, je vais dire je prends ça. À ce temps-là, quand j'allais au magasin, j'avais le moteur dans ma poche. Je calculais combien ce qu'il me fallait. La première chose que je faisais, je prenais du lait pour les enfants, les pommes de terre, je prenais un légume. Bon, il me reste autant. Qu'est-ce que je peux avoir avec ce qui me reste? Une côtelette, de la saucisse fraîche, du lard, ce qu'il y avait de meilleur marché, qu'il fallait que je cherche pour faire à manger, pour que vous mangiez tous les jours. On a vécu comme ça pendant des années, c'était comme ça. Et voilà. Il n'y a pas que nous autres. Ah non, c'est... Mais... Il n'y a pas que nous autres, tout le monde. Maintenant, tu vas au bouteille, tu te dis, je vais prendre 6 bouteilles de coca, je vais... Moi, je me rappelle, quand je savais prendre une bouteille de coca, c'était bien. Au commencement, je ne prenais pas de coca, moi. Jamais. Vous n'avez pas si tard. Je ne pouvais pas, je ne savais pas. Les couillers, les fourchettes, tous les trucs. Essaye de garder 50 francs à ces amis-là pour mettre de l'essence demain matin et pour les chiner. C'était comme ça. Je n'allais même pas acheter. Je ne fumais pas un paquet de cigarettes. Je mets toujours la palo. Maintenant, il y a quelques années que je prends des cigarettes. Je n'achetais même pas un paquet de cigarettes. Je fumais du tabac parce que je n'avais pas acheté des cigarettes. Les cigarettes, c'était une bouteille de lait. Ouais, s'il avait fait une bonne journée. Et le soir, ben, un petit peu raconter un petit peu leurs histoires, leurs couillonnades qu'ils avaient mangé, patati et patata. Ben alors, ils déconnaient comme pas deux, hein, ils déconnaient. Parce que tout ce qu'ils racontaient, c'était tous des trucs que les vieux avaient fait, hein, ou bien qu'eux avaient fait des couillonnades, quoi, hein, des bêtises qu'ils avaient mangé, et toutes sortes d'histoires. Hein. C'était ça leur soirée, ils passaient leur soirée comme ça. Hein. Les grands parlaient ensemble, mais il ne fallait jamais intervenir dans la conversation. Hein. Autrement, tu ramassais une baffe que tu volais 3 mètres loin. Hein. Ben moi, mes grands-parents du côté de mon père, je les appelais père et mère. Je ne disais pas pépère ni mémère, c'était père et mère que je les appelais, quoi. Et c'est-à-dire jusqu'à la dernière heure, je veux dire, moi, je dormais là sur le fauteuil. Elle était là avec son lit d'hôpital. Et toute la nuit, tu ne veux pas aller me chercher de l'eau, ceci, elle n'était pas bien, quoi. C'était une vieille femme. Le matin, quand elle s'est levée, elle m'a dit « Excuse-moi, mon gamin, de ne pas t'avoir laissé dormir. » Elle s'est revenue 2 heures après, elle était morte, quoi. Ça, ma grand-mère, un peu avant qu'elle meure, nous expliquait un petit peu autrement quand elle était dans l'école, là, qu'ils avaient souffert, qu'il faudrait plus revivre ce temps-là. Et... Nous, on ne posait pas des questions parce que, voilà, c'est la grand-mère, on la respecte, quoi. Quand moi j'étais petite, mes parents, quand ils parlaient autour du feu, ils parlaient des choses de la guerre. Ce qu'ils ont fait, ma mère, elle parlait ce qu'elle avait fait, qu'elle était enfermée, qu'elle s'est sauvée des corps. Ça, ils parlaient entre eux. L'autre expliquait ce qu'elle avait fait, elle. Je vais dire, parce que tous les voyageurs étaient presque dans les corps. Ça fait, je vais dire, c'était de ça. Quand moi j'étais petite, c'était ça le centre. Ben oui, nos grands-parents et tout ça. Ils avaient des carnets nomades. C'est comme les Juifs, ça a été pareil. Ils ont mis ces Juifs-là, comme nous autres. C'était des apatrides, ils ne les aimaient pas. Et c'est ceux-là qui ont été enfermés. Parce que des cas de voyageurs et de jeteurs, il y en a eu en Belgique. Il y en avait un molle. Hein. Il y en a eu. Mais pas vraiment le cas, mais ils les attendaient là, ils les enfermaient là, un cas d'attente, là, des deux choses, pour les transporter à Auschwitz et tout partout. Mais c'est les Belges qui ont fait ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Eh oui, moi je suis née en 52, disons même en 58-60. Ça les a marqués tellement, ça, que c'était ça qui parlait. Mais c'était entre eux. Et quand on demandait quelque chose, « Va pipe dormir, toi. » Je vais avancer pour pas qu'il y ait un morceau de tout dessus. Avant du temps de mon père, mes grands-grands-parents, l'homme restait à la roulotte, en somme à la voiture, et la femme allait chiner avec les enfants. Hein. L'homme, chez les voyageurs, les femmes, c'était pas... C'était l'homme. Parce que c'est macho, les voyageurs. Hein. Alors, voilà. Tous les voyageurs, c'était des buveurs. Les femmes, c'était des chineuses. Ils étaient obligés d'aller chiner. Ça a toujours existé, maintenant beaucoup moins. Parce que je vois la génération de mon homme, c'est beaucoup moins des buveurs, je vais dire, mais avant c'était que ça. Moi j'ai mon père, j'ai connu mon beau-père, c'était que des gens qui buvaient. Ça, je n'ai pas vu vraiment, c'est que mes parents ont vécu ça, chez ma mère j'ai vu. Voilà, c'est comme ça. Chez nous, on est 11 vivants, chez nous il y a eu 21 enfants. Mais... Ma mère n'a jamais discuté sur mon père. De temps en temps, il y avait des disputes, mais mon père buvait, ben, c'est qu'elle a bien accepté, ma mère. Chez mon beau-père, c'était pareil. Elle a eu 18 enfants. De temps en temps, il y avait des disputes, mais c'était comme ça. Et c'était... Ça n'est pas échangé, ça. Hein? Mais ils n'étaient pas bons, les voyageurs, les filles voyageurs, avec leurs femmes, leurs enfants. C'était... Ouais. C'était pas rien, hein. Faut pas croire, hein. Ces enfants étaient tellement élevés à la dure que ces enfants n'ont pas peur des coups, hein. Ils n'avaient pas peur de se battre à cause de ça, ils n'avaient pas peur des coups, parce qu'ils en avaient tellement eu en étant jeunes que ça ne leur faisait plus rien. Hein. Donc c'était tous des bagarreurs après. En général, oui, les voyageurs sont les cheveux près du bonnet. Hein. Les voyageurs, en général, ils sont comme ça. Hein. Moi, on a fait des courses. À 6, 7 enfants, 10 même. À pieds nus, dans des champs de blé qu'on venait de couper. Quand on coupe le blé, on ne coupe pas ras de la terre, il reste toujours des petites flûtes comme ça, là. Et on faisait une course là-dedans. Et quand on avait fait deux fois le chemin aller-retour dans le champ, t'avais gagné 20 balles, hein. Mais tout le monde avait les pieds en sang, hein. C'était les anciens qui faisaient courir les enfants comme ça. Oui, ils faisaient exprès, hein. Oui, oui. C'était des champions pour ça, tu crois pas? Si, si. Ah oui. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, l'origine des voyageurs, je vais dire autour des châteaux, comment est-ce qu'on va appeler ce siècle-là? C'est loin. C'est de la coteau tout le temps. C'est parce que c'était des gens qui travaillaient pour les châtelets. Et à un moment donné, il y en a des ceux qui ont fait des métiers un peu spéciaux. Ça a été des saltimbanques, les bouffons du roi, ça c'était les premiers. Les bouffons des rois. Les saltimbanques, les dresseurs d'ours, les danseurs qui étaient dansés dans la rue, là, dans ce temps-là. Ben, notre descendance, c'est ça. Notre génération avant, c'est des sédentaires comme vous. Il n'y a pas de différence entre nous. Sauf des gens qui ont retiré un peu du lot, qui ont devenu, à ces années-là, des chanteurs, des dresseurs d'ours, des dresseurs de chiens. Puis ça a fait du cirque. Et puis, c'est de ça qu'on descend. Il y en a eu dans tous les pays, c'est pour ça que des voyageurs, il y en a dans toutes les races. On n'est pas plus ni moins que vous. Quand on veut bien remonter, je vais dire, nous sommes tous des sédentaires. Mais les trois quarts des marchands de mieux faire ne veulent pas l'admettre. Hein. Des voyageurs, ils disent que c'est une race à part, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut reconnaître ce qui est, ce n'est pas vrai. C'est comme si maintenant... Dans quelques années, les sans-abri, là, hein, seraient un peu remontés, et bien qu'on leur demanderait qu'est-ce que vous étiez. Eux, c'est des clochards, mais c'est des gens comme les autres, c'est parce qu'ils ont des catastrophes dans leur vie, ou il y a des fainéants dedans aussi, comme dans partout, mais je vais dire, c'est ça. Et nous, c'est ça, c'est la même chose. Mais au beau faux, on est tous les mêmes. C'est pas une race à part, c'est... La race à part, c'est parce qu'ils ont vie en roulotte, qu'ils n'ont plus voulu vivre dans les maisons. Mais c'est normal qu'ils aient vécu dans les rouleaux, qu'ils n'avaient pas de sous pour ces maisons. Il fallait bien qu'ils s'inventent quelque chose. Voilà, c'est ça l'origine des voyageurs. On est des marginaux. Elle faisait de la rime, tu vois. Ah. Ma? Elle est morte? Bah non, c'est pas elle. Mais si, c'est ma sœur. C'est ta chair, le bras de fer, c'est pas la reine, hein, ça. Bah la reine, elle n'est pas morte, la reine d'Angleterre. La mère, qui avait des hommes. Non, elle est morte il y a quelques années. La mère, la reine d'Angleterre est morte, tu sais. C'était ta chair, le bras de fer. La reine d'Angleterre, elle n'est pas morte. Il y a 15 jours ou 3 semaines. C'est ta chair. L'allemande, là, le bras de fer, le bras droit, là, je sais pas. Non, c'est pas la reine, c'est le. C'est pas une reine, c'est le bras de fer, là. Ouais, ouais. Moi, je crois que c'était la reine d'Angleterre, là. T'as été le mettre où? Bah, les mots confinés. Ah, merde, attends, je vais. Partir d'une place à l'autre, faisait les écoles d'une école à l'autre, ça oui, je me rappelle. C'était les baraquis ceci, les baraquis cela, parce qu'on était mal vus en tant qu'enfant. Mon père était toujours plein d'huile parce qu'il travaillait toujours pour faire nourrir sa famille. Mes parents, tout ça, on était la basse classe, je veux dire, et eux, les gens bien. Puis quand on se laissait pas faire, on se disputait, on se battait tout le temps. À cause de ça, ça n'allait pas. Ben jamais un copain pouvait rentrer dans ma chambre, c'était hors de question. Tu joues ici en bas ou tu joues dehors, mais tu ne rentres pas avec les pétards dans la maison, enfin, dans la chambre et dans la maison. C'était comme ça, c'était hors de question, quoi. C'était. Ouais, pour te dire, à 12 ans, j'étais toujours en deuxième année primaire. C'est parce que ma mère m'avait fait passer de première en deuxième. Parce que, pour te dire, quand j'étais un très bon élève, quoi. Et à 12 ans, pour aller en première professionnelle, elle m'a fait passer, soit disant que j'avais perdu mes bulletins, parce qu'avant ils ne contrôlaient pas comme maintenant, j'étais en première professionnelle. Puis j'étais à l'école ici à Erf et je me suis battu. Mon père a dit, si c'est pour te battre, tu sors de l'école, et depuis 15 ans je travaille. Sans diplôme, sans rien, quoi. C'est marqué diesel, ouais. Ouais. Je vais payer ma sauce, puis on ira manger après. Si jamais c'était la sortie des écoles, tous les autres enfants qui sortaient des écoles en avaient après nous. Hein. On était obligés de se battre comme des chiens là, dans le bazar. Hein. Ah oui, hein. Ouais. Ça c'était. Ça, le baraquis, tu pues, baraquis, plaies de poux. Les baraquis, soi-disant, ils étaient toujours pleins de poux. Mais ces dentaires, ils ont toujours eu. Ils nous ont pas jamais aimés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de nous. Baraquis, on ne joue pas avec toi, t'es pleins de poux. C'est pas parce qu'on était plus mauvais ni qu'on faisait pire, mais les gens avaient peur de nous. Et je vais te dire, j'ai 60 ans, j'ai peut-être eu deux fois dans ma vie des poux. Ah oui, hein, parce qu'on se mettait dans un coin de bois, ou dans un coin, dans un vieux chemin, et puis tout d'un coup, par hasard évidemment, hein, ben, y avait un veau ou une vache qui était malade, ou qui tombait, ou qui ça arrivait, mais ben, c'était notre faute. Hein. On était des voleurs de poules en plus. Oui, oui, c'était. Enfin. Ces gens-là. Les sédentaires nous ont jamais beaucoup aimés. D'abord, c'est un peu à cause de ça que ça s'est terminé, tout ça. Hein. On n'était pas encore arrivé sur place, ils téléphonaient déjà à la police. Hein. Alors, les flics, ils venaient, évidemment. Il faut partir. Hein. Oui, ben, on partira demain parce que. Nous, on avait droit à 48 heures. Ça, c'était la loi. Mais nous, tant qu'ils ne repassaient pas, on ne partait pas, on restait là. Hein. Oui, hein. Puis alors, quand ils venaient, alors il fallait absolument partir, là, parce qu'ils devenaient des menaçants, là, à ce moment-là. Hein. Oui. On était traqués, quoi. C'était final en final, oui. On ne savait plus aller nulle part. Hein. on ne savait plus se mettre. T'es obligé de se mettre dans des cours, des trucs, mais ça, c'était déjà l'orientation vers le sédentarisme. Hein. C'était déjà tout doucement. Alors finalement, avec les enfants, les lois qui venaient difficiles, ben, tout est parti. Tout le monde s'est habité en maison, tout le monde a mis les enfants à l'école. C'était pas une mauvaise chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais bon, on a mis les enfants à l'école, obligés pour avoir les allocs. Et ça a tué la race, quoi. Nous, on a toujours été à l'école. On avait 6 ans, on a dû rentrer à l'école comme tout le monde. Ben ça, en Afrique. On a rentré dans les maisons, c'était l'école. Oui. On a dû rester sur place. Parce qu'à 6 ans, à faute de elle, je vais dire. Elle avait 6 ans et on l'a dû mettre à l'école, parce qu'on n'avait pas mis à l'école gardienne. On faisait les kermesses et on habitait à Gouvy. Et je la mettais un jour. Pas deux jours, je ne la mettais pas. Puis un jour, la demoiselle d'école de Gouvy, elle me dit, vous allez avoir des ennuis pour elle ici. C'est obligatoire, c'est vrai que c'était obligatoire. Et un jour, la demoiselle la voit au Gulli, et je vais trouver la demoiselle. Et je dis, vous n'avez pas au Gulli. Elle avait attaché lui, là, qui était un peu plus effroté que les autres, dans le bois, avec des ficelles. Je maltraite la demoiselle. Alors, elle a été aux gendarmes, où on voyait, on mâchait des choses. Et j'ai eu les gendarmes, ils voulaient me la placer, parce qu'elle n'allait pas à l'école tous les jours. Elle croyait que je lui aurais donné ma fille, parce qu'on était des baraquis, c'est-à-dire des ceux qui vivaient en roulotte. Elle dit, j'en ferai quelque chose de bien. Mais je dis, pourquoi ma fille n'est pas bien? Et pendant des années, tous les 3-4 mois, j'avais les gendarmes. Et comme je faisais les kermesses, j'avais le droit de la mettre, ou ce que j'allais sur les filles, enfin sur les kermesses. Et c'est à cause de sa peur de qu'on me la place, qu'on a acheté à Gouvy, hein. Non, on a déjà acheté à Gouvy. On l'a acheté là, et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans les livres. Non, on a acheté à Gouvy. Moi, j'ai eu des places dans des usines et même sur des chantiers en or. J'ai gagné de l'argent, je gagnais bien ma vie parce que j'étais bien, mais c'était pas ça ma vie, moi, c'était pas ça. Mais j'ai été bien obligé parce que, bon, j'avais mes enfants, j'avais ma femme, et bon, il fallait que j'assume, c'est tout. Le seul moment où j'ai bien vécu, moi, enfin bien vécu, que j'ai vécu pratiquement comme je le voulais, c'était quand j'ai commencé à faire les ferrailles, les vieux fers. À ce moment-là, j'avais un camion, j'allais à gauche, j'allais à droite, j'allais dans les fermes, j'allais parler avec les gens, j'allais chiner. Et ça, c'était mon truc. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Mais la sédentarisée, nous autres, les vieux voyageurs ont eu très difficile et très dur. C'était pas bien. C'est mieux les caravanes, mais moi, quand j'ai habité en caravane, quand je m'ai mis en ménage, j'ai logé, enfin, je m'ai mis le bord de l'autoroute. On a pu rester, mais t'as pas d'électricité, t'as pas d'eau. C'était toujours les groupes, des cruches d'eau. Les lessives, bon, devait aller au lavoir. Et puis la petite a commencé à grandir et je me suis dit, oh, mes os, c'est mieux. Elle avait des shops, elle avait des places pour jouer, la TV, le courant, la machine à lessiver. Surtout moi, j'aime bien la machine à lessiver. Et puis ça ne m'intéresserait pas de repartir. Si, voyager un petit peu. Mais moi, je ne suis pas une grotte pour... j'aime bien d'être dans mes affaires. Et tant que j'aurai des enfants, des petits enfants, où je ne rentrerai pas en caravane. C'est, il manque ma... Moi, c'est la facilité. Et le contact des gens, ben, on les voit de temps en temps, mais ça ne me manque pas. Ici, c'est le marché de ferraille. Là-bas, il y en a encore des plus gros. Hein. Parce que eux, ils travaillent avec les usines. Et on allait chiner, mais non, les ferrailles, il faut les trier d'une telle façon, il faut être en ordre, avoir intérêt, il faut être en ordre dans tout comme une grosse usine, quoi. Et ça, c'est un métier fini, ça. Et... Bon, par exemple, voilà, maintenant je vais monter dans le camion, je vais aller chiner. Je me fais attraper, ils vont me demander, t'as le registre de commerce, je ne l'ai pas, déjà procès, ils vont me demander, t'as les papiers de transport, je ne l'ai pas, procès, tu chômes, ouais, procès, puis rembourser le chômage, tout le bazar. Et... D'abord, on allait chiner, ben, ils nous arrêtaient. C'était souvent un procès pour le contrôle ou quoi, parce qu'ils étaient déjà moins en ordre, mais c'était rien de plus, quoi. À quelle heure qu'il est, je ne sais même plus, je crois que c'était midi et demi. Normalement, un voyageur, je lui dire, il ne se laisse pas commander, je lui dire, fait, il a ses devoirs, je veux dire, de tenir au besoin de sa famille, mais il fait ce qu'il veut de sa vie. S'il n'a pas envie de travailler pendant une semaine, s'il veut partir à gauche, en vacances, il fait, pour moi, c'est ça. Pour moi, un voyageur doit être libre, il fait ce qu'il veut. Il y en a qui me téléphonent. Je vais là, moi, je vais en Italie, moi. On part avec celui-là et celui-là. Ben, où est-ce que vous allez? Ben, j'attendais, moi je vais avec vous autres. Et puis on est parti, on se retrouve à 3-4-5, motorhome, et oups, on est parti tous ensemble. Ben oui, ben ça fait partie un petit peu du voyage, hein. C'est plus du tout la même chose, mais bon, il y a quand même le fait de voyager, de voir autre chose, de parler avec d'autres personnes. Hein, c'est le voyage, quoi, c'est autre chose. Évidemment, je pars jamais tout seul. Hein. Des belles rivières. C'est mon dada. Hein. Les lacs, les rivières, les endroits. La ville part. Surtout, moi, j'aime bien l'Alsace, moi. J'ai beaucoup chiné en Alsace avec l'orgue. C'est bon à chiner. Et les gens sont gentils, sont sympas. Ah ben moi, je suis un musicien, moi. Mon dada, c'est ça, moi, la musique. Chez nous, il y a beaucoup de joueurs d'orgue, hein, dans les voyageurs. Dans les petites cours, les petites ruelles, les petites rues. Et alors, les gens, même devant, en face des grands buildings. Alors ils viennent aux fenêtres là en haut et ils jettent des pièces. Ouais. Ils jettent des pièces par la fenêtre. C'était Les Mangeurs de Hérissons. Réalisation et prise de son, Kabiria Chomel. Voilà. Avec les voix de Marie Webel, Jean-Marie Wegers dit Canard, Lolita Wegers, Christophe Wegers et Titi de Hawaii. Aide à la réalisation, montage, mixage, Christophe Rowe. Une production de Bruxelles nous appartient, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à tous les vieux voyageurs et plus particulièrement à Raymond Gurem, à l'atelier de création sonore et radiophonique, à Séverine Jensen et toute l'équipe de BNA. Merci à Kabiria Chomel pour la réalisation de ce documentaire sonore et pour nous avoir autorisé de le diffuser sur cette radio, qui est la radio La Locale, 97.3 à Saint-Giron et ses alentours. Je voulais passer une chanson et puis là, juste pile poil, j'ai dit à Béné non, parce qu'en fait, les cloches de notre chère culture chrétienne viennent de sonner et il est 19h, donc en fait, on va s'arrêter là. Merci Béné d'avoir fait ça au pied levé, comme on dit. Tu gères en technique. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ah oui, je vous avais dit que pour reprendre le fil de ces histoires de podcasts et de définitions, en fait, ça s'appelle le petit lexique créatif de la création sonore. Non, oh là là. Petit lexique récréatif de la création sonore et radiophonique sur Saint-Aune. Voilà, il y a tout plein de définitions récréatives. Eh bien, on se retrouve dans un mois. Salut à vous. Allez, on rembobine.